Chapitre 5e. Malgré la promesse qu'il avait faite à sa fille de venir la rejoindre dès qu'il en aurait fini avec le vagabond, ce ne fut pas au salon, mais dans son cabinet de travail, que Sir Everard se rendit quand l'interrogatoire fut terminé. C'était là qu'entouré de livres il passait ses journées. Ce soir-là, une lampe avec un large abat-jour était posée sur un guéridon près du feu. La lueur rouge des bûches se reflétait gaiement sur les vives couleurs du tapis. Les rideaux de velours vert foncé étaient tirés. Tout avait l'aspect confortable et tranquille. Sir Everard se laissa choir d'un air mécontent dans un fauteuil près du feu et se renversa sous le dossier de son siège comme un homme qui a besoin de se recueillir. « Quel fou, quel obstiné !» se dit-il. Il est étrange que cette monomanie de s'accuser soi-même soit si fréquente. Une partie de son histoire cependant paraît vraie. La montre et la chaîne ont été retrouvées à Great Barford. Le cadavre de Sir Blake le fut également. Toutefois, la police n'a pu réussir à découvrir les traces du coupable. Sir Everard monta dans sa chambre pour revêtir sa tenue du soir. Il abandonna Vargas à son malheureux sort. La vie habituelle de Fairview ne pouvait être troublée par cet incident. Le valet de chambre de Sir Everard attendait son maître dans le cabinet de toilette. C'était un homme d'environ 35 ans, grand, mince, au teint pâle et aux yeux intelligents. Il jouissait d'une position exceptionnelle parmi les domestiques de la maison. Son maître l'avait trouvé égagé à la porte des Invalides à Paris, où il servait de guide aux étrangers. Il avait vu la vie sous tous ses aspects, car, après avoir eu, plus souvent que de raison, recours à la bourse de sa famille, il réussit à se tirer d'affaires sans plus jamais être à charge aux siens. C'est depuis lors qu'il fit tous les métiers, courrier, garçon de café, marqueur au billard, en France, en Suisse, etc., etc. Heureusement pour lui que Sir Everard, alors sans valet de chambre, ayant écouté l'histoire que cet homme à la langue bien pendue trouvait moyen de débiter, tout en racontant les batailles de l'Empire, le prit à son service. Jamais maître, il faut bien le dire, ne fut mieux servi que par ce singulier escogriffe. Recommandez à Scroope de ne pas perdre de vue l'argenterie, dit Sir Everard à son valet de chambre. « Il y a dans mon bureau quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance. Vous me préviendrez dès que le constable sera arrivé. Je n'ai plus besoin de vous. » Tout ce qui était nécessaire à Sir Everard se trouvait sous sa main. Le valet se retira. La cloche du dîner ayant sonné un premier coup, le châtelain procéda à sa toilette. Il y mit un peu plus de temps que d'habitude, prenant et laissant ses effets d'un air préoccupé. L'aveu qu'il venait d'entendre l'absorbait encore malgré lui. Il ne pouvait songer au meurtre commis le 20 octobre, sans se rappeler la mort prématurée de sa femme. Il était à genoux en prière près du lit de mort de Lady Courtenay, lorsque la nouvelle de l'assassinat de Walter Blake parvint à Fairview. Sir Everard finit par achever sa toilette. En descendant au salon, il rencontra Scroope. « Jackson est allé à Highley cet après-midi, Sir Everard. Il ne doit pas rentrer chez lui avant 9 heures. » Gilbert a laissé un mot pour l'avertir qu'il était attendu ici. « Très bien. Là, ne perdez pas de vue l'individu qui est dans mon bureau. Il ne m'inspire pas confiance. J'ai donné un tour de clé, Sir Everard. Ce n'est pas nécessaire. Allez ouvrir tout de suite et portez à souper au malheureux vagabond. Il paraît à moitié mort de faim. » Morton Blake était seul au salon lorsque Sir Everard y fit son entrée. « Eh bien » s'écria-t-il en se précipitant vers son hôte. « Mon soupçon était-il fondé ? Cet homme est-il l'assassin de mon père ? Contenez-vous, Morton, je vous prie. Cet individu est un fou ou un coquin qui, pour une raison moins inconnue, s'accuse d'un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Alors il a avoué sa culpabilité ? C'est lui, je le jure. Laissez-moi le voir, l'entendre, lui parler. Mon cher Morton, c'est une affaire où vous n'avez pas le droit d'intervenir. Pas le droit, moi, le fils de la victime ? Aucun droit. Il faut attendre que la justice ait son cours. Si ce misérable persiste dans sa déposition, il y a tout à parier qu'il ne tardera pas à être pendu, et que vous aurez ainsi satisfaction, Morton. Je ne vous cache pas que je serai soulagé d'un grand poids, quand je saurai que le meurtrier de mon père a été puni, répliqua le jeune homme d'un ton résolu. Le misérable a-t-il au moins les menottes ? Pas encore, j'attends Jackson. Pourquoi cet air féroce, Morton ? Pas des besoins de tant de précautions du moment qu'il vient lui-même se constituer prisonnier. Il peut changer d'idée et vous glisser des mains. Rien de pareil n'est à craindre. J'ai dit à Scroope d'avoir l'œil sur lui et il l'a mis sous clé. Il a bien fait. Voyons, ne pourriez-vous me décrire ce monstre d'homme ? C'est un pauvre diable, qui n'a que la peau sur les os, c'est tout ce qu'on peut dire. Si je pouvais seulement l'apercevoir sans qu'il s'en doutât, afin d'être en mesure de le reconnaître s'il vient à s'échapper. Alors faites le tour de la maison, et tâchez de pénétrer du regard dans mon bureau. Les persiennes ne sont pas fermées. Voilà ma fille, Morton. La cloche a sonné. Vous ferez mieux, croyez-moi, de venir dîner. Excusez-moi, ma chère Dulcie, dit Morton, d'une voix mal assurée à sa fiancée, mais je me trouve dans l'obligation de vous faire faux bon. Je ne rentrerai que fort tard dans la soirée, probablement. Sir Everard, je compte sur vous pour me tenir au courant de tout ce qui se sera passé. Pourquoi auriez-vous de l'indulgence pour ce misérable ? N'oubliez pas que mon père fut votre ami. Moi, l'oublier ? Il me semble toujours l'avoir devant les yeux. Mais en pareil cas, mon devoir ne me permet d'écouter que la voix de la justice. De même que de votre côté, la piété filiale ne doit pas fausser votre jugement. Quelle que soit la douleur que vous éprouviez de la mort de votre père, il ne saurait y avoir pour vous aucune satisfaction à faire pendre un innocent. Pourquoi semblez-vous si disposé à l'indulgence envers lui ? S'écria Morton avec impatience. Par la bonne raison que je ne le crois pas coupable. Je ne serais pas étonné que demain, pas plus tard que demain, cet individu renia sa déclaration devant les magistrats de Highley. Bonsoir, Sir Everard, dit Morton sèchement. Au revoir, Dulcie, ajouta-t-il en touchant à peine la main que sa fiancée lui tendait, tant il avait hâte de sortir du salon. Le père et la fille passèrent dans la salle à manger, se plaçant vis-à-vis l'un de l'autre. Le couvert de Morton les séparait. Le dîner, servi par le solennel Scroope et deux de ses subordonnés, parut à Dulcie d'une longueur mortelle. La conversation ne roula que sur des sujets insignifiants. Quand les domestiques se furent définitivement retirés, le père et la fille restés seuls se rapprochèrent de la cheminée. « Cher père, dit Dulcie d'un ton câlin et mélancolique à Sir Everard, il est certaines questions que je ne puis faire à Morton. Me permettriez-vous de vous les adresser ? Ne vous est-il pas trop cruel en ce moment d'entendre parler du passé ? Au fond, ma chère enfant, comme j'y pense toujours, cela ne peut pas faire de grande différence pour moi. Je désirais connaître votre opinion sur le père de Morton. Quel homme était-ce ? Un homme intelligent, franc, loyal, bien de sa personne et très sympathique. Et vous aviez pour lui de l'estime, de l'affection ? C'était un de mes plus anciens amis. Nous avions été ensemble à Cambridge. Oui, mais ces sortes d'amitiés ne sont pas toujours durables. Je ne sais pourquoi il m'a semblé que vous ne répondiez à Morton, au sujet de son père, que contraint et forcé, et que de vous-même vous ne parliez jamais volontiers de Walter Blake. Les terribles circonstances de sa mort, coïncidant avec celles de votre mère, me rendent naturellement ce souvenir des plus douloureux. C'est vrai, j'aurais dû le comprendre, quoique j'ai souvent fait cette remarque, que l'on s'accoutume à envisager les idées les plus terrifiantes et à causer des catastrophes les plus épouvantables, avec le même sang-froid que des événements les plus insignifiants. Je ne pourrais jamais me rappeler avec indifférence la mort tragique de Sir Walter Blake. Vous êtes plus impressionnable que bien des gens, reprit affectueusement Dulcie. Dites-moi, cher père, supposez-vous réellement que l'homme qui est dans votre bureau soit l'assassin de Sir Walter Blake ? Je suis très perplexe, à vous dire vrai, ma chère enfant. Son récit offre des invraisemblances incontestables, et cependant, il est prouvé qu'il a disposé des objets volés à la victime. Il lui sera difficile de se faire considérer comme innocent, en supposant toutefois qu'il veuille un jour retirer sa tête d'une coulant où il a cherché à la passer volontairement. Serez-vous satisfait s'il est reconnu coupable ? S'il est dûment prouvé qu'il est bien réellement l'assassin de Sir Walter Blake ? Je ne saurais désirer la mort du pécheur, ma pauvre enfant, répondit Sir Everard, bien qu'il soit cependant désirable que l'auteur d'un crime soit découvert. C'est un exemple qui peut retenir d'autres misérables sur la pente glissante de l'abîme. Il est d'ailleurs un juge plus redoutable encore que la justice d'autrui. C'est le remords de la conscience, puisqu'il peut mener un homme à se dénoncer lui-même et à se livrer à la mort. Pauvre malheureux, dit en soupirant Dulcie toujours compatissante. Jeune et sans expérience, le cœur tendre et généreux, elle s'ingéniait à chercher un motif qui pût justifier son indulgence. « Ne croyez-vous pas, dit-elle, que c'est la misère qui l'ait entraîné ? Très probablement. Puis Blake l'avait maltraité aussi, paraît-il. La vengeance fait commettre tant de crimes. Un malheur est vite arrivé quand on ne se connaît plus. Tenez, mon enfant, si vous m'en croyez, nous n'aborderons plus jamais ce terrible sujet, qui vient encore assombrir davantage votre si triste journée de fête. Cher père, quand je suis près de vous, je ne saurais me plaindre de rien. Et pourtant, dit-il en l'attirant vers lui et en plongeant son regard dans les grands yeux bleus de Dulcie, si je vous demandais de renoncer à épouser Morton, votre cœur se briserait. Vous me l'avez déjà dit, cher enfant. L'avez-vous si vite oublié? Vous avez accordé ma main à Morton et je sais que vous ne reprendrez plus votre parole. Je ne crains rien de tel de votre part. Mais si jamais pareille chose arrivait, si vous me forciez à choisir entre Morton et vous, entre mon père et mon fiancé, que feriez-vous? De grâce, achevez. C'est lui que je sacrifierais. Car si l'amour qu'il m'inspire est le plus grand, celui que j'éprouve pour vous est le plus sacré. Ma fille chérie, mon enfant bien-aimé, s'écria Sir Everard en serrant tendrement Dulcie sur son cœur paternel.